fait qu'il n'était pas insensé de t'avoir tout donné. Maintenant tu t'en vas, décision que je contesterai. Et oui, tu le sais bien. Mais si tu restes ici sans moi pour un soir, je ne tenterai rien, je serai sage. Peut-être que je descends déjà trop loin, car je connais bien ton malin sourire qui voudrait s'enfuir. Ce sourire qui une autre fois m'a montré le paradis. Il paraît que pour chaque homme comme toi, il y a une femme comme moi. Et à ma place, un jour, il y aura une autre que moi. Meilleure que moi, je n'y crois pas. Que toi je t'aime, ça peut te sembler banal, mais je trouve que c'est normal. Il y a une chose que je n'ai jamais su te dire, que les problèmes que j'ai sans toi sont tout délire. Mais c'est pour ça que tu me vois jouer la dure, pour me sentir dans ce monde un peu plus sûr. Et si vraiment tu ne vois pas que c'est ta faute, rappelle-toi bien qu'il faut garder la tête bien haute. Pendant que toi, tu ne me laisses pas d'autre choix, et tout en va avec mon histoire entre les doigts. Tu fais quoi? Cherche-toi une bonne raison et un nouveau chemin. Va-t'en très loin. Surtout ne t'inquiète pas pour moi, je m'en sortirai sans toi. Maintenant tu t'en vas.